ma chambre au cinquième, j'entends des voix funestes. C'est l'annonce des trains, Padoue, ciel, Trieste. Plus ce voyage dure, plus je suis loin du tout. À Venise en novembre, pluie du soir tout à coup. Sur ce lit sans bouger, je regarde la nuit chavirer lentement, comme un bateau qui coule pendant quelques instants. Je ne sais plus qui je suis, il faut aller manger, puis marcher dans la foule. Ma fenêtre est très grande, ce lit un peu petit, pater, lavabo, placard gris, chaise instable. Quel passant avant moi qui a écrit ceci? Freedom, no compromise, au couteau sur la table. Du haut de sa colonne, le lion est parti. J'écoute le trio, assis devant ma glace. Il joue vêtu de noir, summertime et misty, les couples de l'automne dansent sur la place. Près du pont Rialto, un homme bien vêtu hurla la nuit, libero, sono libero. Exilé, divorcé, il est ivre et têtu, libre et seul, il s'en va. Comme vont les héros. Ils dorment tous déjà, les promeneurs se font rares. Quelques lueurs là-bas, quelques papillons autour, quelque chose d'étrange à l'horloge du bar. Comme s'écoule ma vie, elle dit l'heure à rebours. Crime, désir, scandale, esprit de carnaval, cette femme qui fuit et s'envole aussitôt. Je la sens près de moi, elle franchit le canal, nuit cruelle sous le masque et le manteau. Je saute d'île en île, Torcello, Murano, si étrange et si beau, le ciel de la lagune. J'ai acheté pour toi un masque à Burano, le mets sur ton visage, sur ton front, c'est la lune. J'aimerais que tu le vois, ce boulevard sur la mer, cette étendue de gris, on s'éteindrait dedans. Ça nous voile la tête, nous engourdit les nerfs, ça nous prend, ça nous tire, ça arrête le temps. Je rejoins la téléphoniste, la pluie me tombait sur le dos. J'étais trop loin, tu étais triste, je n'ai pas su trouver les mots. J'ai bu avec un type, nous avons bavardé. Il détestait l'endroit, cet Englishman amer. 5 years is quite enough, disait-il emmerdé. Mais pour quitter son piège, il ne savait que faire. Que me restera-t-il, car c'est bientôt décembre. Quelques petits moments de joie insaisissables. Tout est dans la valise, dans la petite chambre. Freedom, no compromise, me crie toujours la table. Ouh. Encore un soir d'orage et je fais le grand tour dans ce vaporetto. Pourquoi suis-je joyeux? Je veux tout voir encore, de Saint-Marc au Faubourg, l'Arsenal, la Lagune. Tout brille dans mes yeux. Méfiez-vous de Venise, ils m'ont bien averti. Attention aux clichés, mais je n'écoute plus. J'ai le regard enfoui dans la lumière grise, seul hors du monde. à mon aimé, tendre salut.